Chapitre 16e. C'est le docteur Ortebise qui le premier arriva au rendez-vous assigné par B. Mascaro à ses honorables associés. Se lever avant 10 heures est un supplice pour lui, et la journée entière s'en ressent, mais les affaires avant tout. L'agence, lorsqu'il se présenta, était pleine de clients et Beaumarchais en bénit le ciel. D'abord, on remarquait ainsi bien moins le négligé de sa mise, puis il échappait de la sorte à l'inévitable. « Trop de petits verres, Beaumard, du bon docteur. »« Monsieur est là, » dit l'ancien sous-off, « il vous attend avec impatience. Monsieur Tantaine est avec lui. » Une idée comique brilla dans les yeux de Monsieur Ortebise, mais c'est du ton le plus sérieux qu'il répondit. « Pardieu, je serais ravi de le voir, ce brave père Tantaine. » Cependant, lorsque le docteur pénétra dans le sanctuaire de l'agence, il trouva B. Mascaro seul, classant ses éternelles petites fiches. « Eh bien, lui demanda-t-il après une cordiale poignée de main, quoi de neuf ? Rien. Tu n'as pas encore vu Paul ? Non. Viendra-t-il au moins ? Oui. » L'estimable placeur est laconique d'ordinaire, mais non tant que cela. « Ah ça, qu'as-tu ? » demanda l'excellent docteur. « Tu me parais funèbre. Serais-tu souffrant ? » ?»« Je ne suis que préoccupé, ce qui est bien excusable, la veille d'une bataille décisive. » Il y avait de cela dans la tristesse du placeur. Mais il y avait autre chose encore qu'il se gardait bien de dire à son ami. Toto Chupin l'inquiétait. Une paille, et le plus solide essieu d'acier forgé se brise. Toto, le triste drôle, pouvait être le grain de sable qui, glissant dans l'engrenage d'une machine, l'arrête et fait tout éclater. Mais Mascaro cherchait comment supprimer le grain de sable. « Bois, » fit le docteur, en caressant son médaillon, « nous réussirons. Qu'as-tu à redouter ? Une résistance de Paul ?» L'honnête placeur haussa dédaigneusement les épaules. « Paul résistera si peu, » dit-il, « que j'ai résolu de le faire assister à notre séance d'aujourd'hui, qui sera orageuse. On pourrait lui mesurer la vérité comme le vin à un convalescent. J'aime mieux la lui verser d'un coup. Diable, c'est grave. S'il allait prendre peur et s'envoler avec notre secret, il ne s'envolera pas, » prononça V. Mascaro, avec un accent qui lui fait frémir son protégé. Pas plus que ne s'envole le hanneton qu'un enfant tient au bout d'un fil. Ne connais-tu donc pas ces natures molles et flasques ? Il est le gant, je suis la main nerveuse qui, sous la peau, garde sa puissance et sa force. Le docteur n'entreprit point de discuter. Amen, prononça-t-il. Si nous trouvons une résistance, reprit le placeur, elle viendra de Catnac. Je puis obtenir de lui une coopération apparente, sincère. « Non, Catnac ?» fit le docteur surpris. « Tu te proposais, disais-tu, de te passer de lui ? Telle était mon intention, en effet. Pourquoi changer d'avis ? Parce que j'ai reconnu que nous ne pouvions nous priver de son concours. Parce que, pour renoncer à ses services, il faudrait confier le fin mot de notre société à un homme d'affaires. Parce que... » Il s'interrompit en disant « Écoute !» Dans le corridor, on entendait les... d'un homme qui, ayant, comme on dit vulgairement, la poitrine grasse, tous dès qu'il change de température, dès qu'il passe du froid de la rue à la chaleur des appartements. « C'est lui, » fit Ortebise. La porte s'ouvrit, c'était Catnac, en effet. Don naturel ou résultat d'un savant exercice, maître Catnac a cette tournure, ses façons, cet on ne sait quoi, qui à première vue font dire « Voici un honnête homme. » Sur la seule foi de son enseigne, c'est-à-dire de sa bonne figure, un mince favori châtain, on serait heureux de lui confier sa fortune. Tartuffe, avec l'œil louche, la lèvre côteleuse et pincée, la physionomie fuyante, éveillerait la méfiance et ainsi ne serait pas Tartuffe. Le regard de Catnac, clair et droit, croise franchement le regard de son interlocuteur. Sa voix est pleine et ronde, il a le secret d'une brusquerie joviale qui ne manque jamais son effet. Avocat très estimé au palais pour son savoir, Catnac plaide peu et mal. S'il gagne 30 000 francs par an, c'est qu'il a une spécialité. Il arrange les contestations qui ne peuvent se plaider, par cette raison que, soumises à un tribunal, elles enverraient au bagne les deux parties ou les déshonoreraient à tout le moins. Tous les jours, à Paris, il s'entame des procès de ce genre. Le plus violent des adversaires lance une assignation, commence des poursuites, le public, qui flaire un scandale, attend rien. Les deux adversaires épouvantés sont allés trouver Catnac. Tout est arrangé. À combien de fripons insignes, de voleurs considérés, prêts à se dénoncer mutuellement, a-t-il fait entendre raison? Il a mis d'accord des assassins qui se disputaient les dépouilles de leurs victimes, prêts à invoquer des juges pour le règlement des parts. Et ce ne sont pas là ces plus hideuses affaires. Lui-même le dit parfois. J'ai remué dans ma vie des monceaux de boue. Dans son cabinet de la rue Jacob, il s'est chuchoté des aveux à faire tomber le crépi du plafond. Ce genre de conciliation rapporte au conciliateur ce qu'il veut. Le client qui a mis à nu devant son avocat les ulcères de sa conscience lui appartient, comme le malade appartient au médecin qui a soigné ses maladies honteuses, comme la pénitente appartient à son directeur. De sa spécialité, Catnac a gardé cette faconde prolixe, oiseuse, diffuse, indispensable aux gens qui, pris pour arbitre, doivent, avant tout, calmer la violence des adversaires mis en présence. « Me voici, » s'écria-t-il tout d'abord. « Tu m'as appelé, ami Baptistin, tu m'as convoqué, assigné, mandé, et j'arrive, j'accours, j'obéis, je me rends. »« Prends donc une chaise, » interrompit le placeur. « Merci, cher ami, mille grâces, bien des remerciements. Mais je suis pressé, vois-tu, affairé, tiraillé, on m'attend. Je suis lié, engagé. »« Eh bien, » prononça le docteur, « assieds-toi quand même. »« Ce que veut te dire Baptistin est autrement important que n'importe quel rendez-vous. » Catnac obéit, toujours souriant en apparence, au fond très en colère et un peu inquiet. « De quoi donc s'agit-il? Qu'est-ce qu'y a-t-il ?» B. Mascaro s'est élevé et est allé pousser les verrous. Lorsqu'il reprit sa place, « Voici le fait, » répondit-il. « Nous sommes décidés, Ourtebiz et moi, à lancer la grande affaire dont je t'ai vaguement entretenu autrefois. Nous avons un homme important à mettre à la tête, le marquis de Croisenois. « Mon cher, » commença l'avocat, « attends. Ton concours nous est indispensable, de sorte. » Maître Catnac se leva brusquement. « Assez, » interrompit-il. « Suffit, la cause est entendue. Si c'est pour me proposer, pour m'offrir une affaire, que tu m'as écrit de venir, de passer, tu as eu tort, tu t'es trompé, tu as fait fausse route, je te l'ai dit, redit, affirmé, répété 100 fois. » Il se retournait déjà, se préparant à battre en retraite. Mais entre la porte et lui, se tenait debout le bon docteur Ourtebiz qui le regardait d'un air singulier. Certes, le Catnac n'est pas homme à se laisser aisément effrayer. Mais l'attitude de l'excellent Ourtebiz était si expressive, le pâle et froid sourire de B. Mascaro qu'il regarda lui offrit une si édifiante signification qu'il demeura interdit. « Qu'est-ce que cela signifie ? » balbutia-t-il. « Qu'est ceci ? Que voulez-vous de moi ? Que souhaitez-vous ? Que désirez-vous ? « Nous voulons d'abord, » prononça le docteur en appuyant sur chaque mot, « que tu prennes la peine d'écouter quand on te parle. Mais j'écoute, ce me semble. Reprends donc ta chaise et ouvre ton esprit aux propositions de notre ami Baptistin. » Le visage de Catnac ne trahissait rien de ses impressions. Il l'a exercé et assoupli à ce point qu'un soufflet ne ferait pas monter une seule goutte de sang à ses joues. Seulement, son geste, lorsqu'il se rassit, disait l'irritation qu'il éprouvait de cette violence qui lui était faite. « Que Baptistin s'explique donc ? » dit-il. À part un mouvement machinal pour assurer ses lunettes sur son nez, l'honorable placeur n'avait pas bougé. « Avant d'aborder les détails, » dit-il d'un ton glacé, « j'aurais dû demander à notre respectable ami et associé si oui ou non il est avec nous. Eh, cela doit-il faire l'ombre d'un doute ? » interrompit l'avocat. « Est-ce que tous mes vœux ?»« Pardon. Il n'est pas question de vœux stériles. Ce qu'il nous faut, c'est un concours loyal, une coopération active. »« C'est que, mes amis, je dois te prévenir, » insista B. Mascaro, « que nous avons toutes les chances pour nous, et que si nous gagnions, chacun de nous aurait près d'un million. » Ourtebiz n'avait pas la patience du placeur. « Voyons, prononce-toi, réponds, oui ou non. » Catnac, ses amis pouvaient le voir, était cruellement indécis. Il fut plus d'une minute sans répondre. Il se recueillait. « Eh bien, non » s'écria-t-il avec une violence qui trahissait l'effort de la lutte. « Tout bien vu, réfléchi, considéré, pesé, je vous répondrai nettement et carrément non. » B. Mascaro et le docteur Ourtebiz eurent la même exclamation. « Ah !» Ce n'était pas une surprise. Mais bien ce sentiment mal défini qu'on éprouve à voir une prévision même fâcheuse, à réaliser. Permettez, poursuit Catnac, que j'explique ce que sans doute vous appelez ma défection. Dis trahison, ça sera plus juste. Soit. Je ne chicanerai pas sur les mots, je serai franc. Oh, murmure le docteur, une fois n'est pas coutume. Il me semble cependant que je ne vous ai jamais caché ma façon de penser. Voici à coup sûr plus de 10 ans que je vous ai parlé de rompre notre association. Vous rappelez-vous ce que je vous disais alors? Je vous disais, notre extrême besoin, notre dénuement, ont pu justifier toutes nos entreprises. Elles sont maintenant inexcusables. En effet, répondit le placeur, tu nous as fait part de tes scrupules. Ah, vous voyez donc bien. Seulement, ces scrupules ne t'ont jamais préoccupé au moment d'encaisser ta part, que tu es toujours venu toucher régulièrement. C'est-à-dire, insista le docteur, que si tu répudiais les risques, tu acceptais fort bien les bénéfices. C'est-à-dire que tu voulais bien gagner au jeu, mais que tu prétendais ne point exposer d'argent. L'argument, bien qu'il parût sans réplique, ne décontenança point Catnac. C'est vrai, j'ai toujours palpé mon tiers. Mais n'ai-je pas autant que vous contribué à mettre l'agence sur son pied actuel? Ne va-t-elle pas toute seule maintenant, sans bruit, sans effort, comme une machine parfaite? N'avons-nous pas réussi à donner à nos opérations comme un cachet commercial? Tous les mois, sans se déranger, on peut palper de beaux bénéfices. Et incontestablement, j'ai droit à un tiers. Vous plaît-il de laisser les choses aller leur petit train? Topez-la, je suis votre homme. C'est fort heureux, en vérité. Mais voici que tout à coup, vous prétendez m'embarquer dans des dangers incalculables. Alors je vous crie, halte-là, je n'en suis plus. Je lis dans vos yeux que vous me trouvez absurde. Fasse Dieu que les événements ne vous montrent pas impitoyablement que j'ai raison. Songez-y, voilà plus de 20 ans que la chance est pour nous. Que faut-il pour qu'elle tourne? À rien. Croyez-moi, ne la tentez pas. La fortune, vous le savez, se venge tôt ou tard de ceux qui, au lieu de lui faire la cour et de l'épouser sagement, l'ont violentée. Oh, grâce d'Omélie, fit le docteur. Très bien, je me tais. Mais encore une fois, pendant qu'il en était encore, réfléchissez. L'impunité n'a qu'un temps. Si prodigieuses que soient vos espérances, elles sont peu de choses en comparaison de ce que vous allez exposer. Cette faconde à froid devait exaspérer le docteur Hortebise. Parler ainsi, t'es facile, tu es riche, toi. J'ai de quoi vivre, en effet. En dehors de ce que je gagne, j'ai 200 000 francs en moi. Et s'il ne faut que les partager pour vous déterminer à renoncer à vos projets, dites un mot et c'est fait. Mais Mascaro, qui jusqu'alors avait laissé le débat s'agiter entre les deux associés, jugea qu'il était temps d'intervenir. Pauvre ami, as-tu vraiment 200 000 francs? Ou peu s'en faut. Et tu nous en offres un tiers. Ah, maître, c'est un beau trait. Et nous serions des ingrats si nous n'étions pas profondément touchés. Seulement, il s'arrêta, tracassa ses lunettes et d'un ton incisif ajouta, seulement, quand tu nous auras donné à chacun 50 000 francs, il t'en restera encore plus d'11 100 000. Catnac eut un éclat de rire si franc, si juste d'intonation qu'un observateur eût été pris. Que ne dis-tu vrai? Fit-il. Et si je te prouvais que je dis vrai? Je serais bien surpris. Le digne placeur ouvrit un de ses tiroirs, en sortit un petit registre qu'il feuilleta, et le présenta à son associé en disant « Regarde alors, car voici l'état exact de ta fortune à la fin du mois de décembre de l'année dernière. Depuis, tu as fait divers achats par l'intermédiaire de M. L. Je ne les ai pas portés en compte, mais j'en ai la note. Dois-je te la montrer ?» Pour le coup, l'impassible visage de Catnac exprima quelque chose. Il se redressa, furieux, ses yeux lançaient des éclairs. « Eh bien oui, oui, j'ai 1 200 000 francs de fortune, et c'est pour cela que je ne veux plus d'association. Oui, j'ai 60 000 livres de rente, c'est-à-dire 60 000 bonnes raisons pour ne pas me compromettre, et je ne me compromettrai pas. Ah, vous êtes jaloux. Est-ce donc ma faute, si nos conditions sont devenues inégales? N'étais-je pas comme vous sans un sou quand nous avons commencé? Ma vie n'a pas été la vôtre, voilà tout. Vous dépensiez sans compter, moi j'économisais. Vous ne songiez qu'au présent, je pense à l'avenir. Hortebise faisait tout pour chasser ses clients, je m'épuisais en efforts pour attirer les miens. Et maintenant, parce que je suis riche et que vous n'avez rien, il me faudrait subir vos exigences, allons donc. Quand je touche au but de mon ambition, il me faudrait revenir en arrière avec vous ? Jamais. Suivez votre chemin, je suis le mien, je ne vous connais plus. » Il se levait déjà et prenait son chapeau. Un geste du placeur l'arrêta. « Si je te disais que tu nous es utile, indispensable, je répondrais, cela est fâcheux pour vous. » « Si cependant nous voulions bien... »« Quoi ? Me contraindre ? Comment ? Vous me tenez, mais je vous tiens. » »« Vous ne pouvez rien contre moi que je ne puisse contre vous. Essayez de me perdre, serait vous perdre. » »« Es-tu bien sûr de cela ? » ?»« Si sûr que je vous le répète encore, entre vous et moi, il n'y a plus rien de commun. » « Je crois que tu te trompes, maître. »« Moi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que voici un an que je loge et nourris gratis à notre hôtel une jeune fille du nom de Clarisse. Ne la connaîtrais-tu pas par hasard ?» Ce n'est pas sans intention habilement calculée que depuis 10 minutes, B. Mascaro laissait son ami Catnac se débattre, s'épuiser en efforts aussi inutiles que ceux du poisson engagé dans la nasse. Il avait voulu ainsi pénétrer les intentions de cet honorable associé et connaître ses ressources. S'il avait pris comme tâche de l'irriter, s'il avait encouragé Hortebise à le fouetter de ses ironies, c'est qu'il savait combien peut être indiscrète la colère de l'homme le plus maître de soi. Se jugeant suffisamment éclairé, d'un seul mot, l'estimable placeur reprit sa supériorité. À ce nom de Clarisse, l'avocat fut comme un promeneur qui, marchant en pleine sécurité, apercevrait tout à coup à ses pieds la mèche allumée d'une mine prête à éclater. Instinctivement, il recula, les bras en avant, secoué par un spasme nerveux, la pupille dilatée par l'effroi. « Clarisse ? » balbutia-t-il. « Qui t'a dit ? Comment tu peux savoir ?» Mais l'ironique sourire qu'il put surprendre sur les deux lèvres de ses deux associés cingla si cruellement son orgueil qu'il reprit aussitôt les apparences du sang-froid. « Décidément, fit-il, je deviens fou. Ne voilà-t-il pas que je leur demande comment ils s'y sont pris pour tout découvrir ? Ne dirait-on pas que j'ai oublié quels moyens nous employons pour surprendre les secrets de ridicule ou d'infamie que nous exploitons ?»« Je t'avais bien jugé, dit le placeur. En quoi ? J'avais prévu que le jour où tu te sentirais assez fort pour te passer de nous, tu tenterais de rompre les liens qui nous unissent. Aujourd'hui, tu voudrais nous abandonner. Tu nous trahirais demain si tu le pouvais sans danger. J'ai pris mes précautions. » Le bon docteur se frottait vigoureusement les mains. « Voilà ce que c'est. On ne s'avise jamais de tout. »« Ce que je ne conçois pas, poursuivit Mascaro, c'est que toi, Catnac, un homme fort, tu nous as fait le jeu si beau. Comment, il y a un an de cela, tu nous haïssais, tu songes à nous perdre, et tu nous offres cette prise, c'est à n'y pas croire. »« À n'y pas croire, » fit le docteur comme un écho. « Et cependant, » continua le placeur, ton imprudence est des plus communes, de celles que nous avons le plus souvent observées et qui nous ont le plus rapportées. Par Dieu, tous les jours cela se voit. Tu ne lis donc plus la Gazette des tribunaux. Hier encore, j'y lisais une histoire qu'on jurait être la tienne. Un bourgeois ambitieux et hypocrite, frais verni d'honnêteté, fait venir de la campagne une jeune et jolie bonne, éclatante de santé, assez naïve, ayant les mains bien rouges, et il se donne le délicat plaisir de la séduire. Pendant quelques mois, tout va bien. Mais voici qu'un matin, la pauvre fille ne peut plus cacher qu'elle est enceinte. Voilà le bourgeois épouvanté. Que diront les voisins et le portier ? L'enfant est supprimé et la mère jetée sans pitié sur le chemin de Saint-Lazare. C'est simple. Baptistin, de grâce. Mais c'est fort imprudent. Ces choses-là se découvrent toujours. Si le crime a pour lui ses combinaisons et ses ruses, la justice a pour elle ces hasards que l'on dit invraisemblables et qui se représentent à chaque minute de la vie. Tu es un jardinier à ta maison de Champigny ? Suppose que la fantaisie vienne à cet homme de creuser la terre autour de ce puits qui est au fond du jardin. Sais-tu ce qu'il trouverait ? Assez ! Prononça Catnac. Je me rends. B. Mascaro, comme toujours au moment décisif, ajusta ses lunettes. Toi, te rendre ? Pas encore. En ce moment, tu cherches à parer le coup que je te porte. Je t'assure, épargne-toi cette peine. Ton jardinier ne trouverait rien. L'avocat eut une exclamation de rage. Il commençait à comprendre dans quel horrible piège il était tombé. « Il ne trouverait rien, » reprit le placeur. « Et pourtant, il est bien vrai, n'est-ce pas ? Qu'au mois de janvier de l'année dernière, une nuit, tu as creusé là un trou et que dans ce trou, tu as déposé le corps d'un enfant roulé dans un châle. Et quel châle ! Celui-là même que toi, Catnac, pour rater la défaite de la mer, tu es allé acheter à Pygmalion. Les commis en témoigneraient, s'il le fallait. Maintenant, tu peux chercher. Tu ne trouveras rien. Et c'est toi qui as enlevé ? Non, interrompit le placeur du ton le plus ironique. C'est Antenne. Que veux-tu ? Je suis prudent. Je sais où est le cadavre, comme on dit vulgairement, et tu ne le sais pas. Mais sois tranquille, il n'est pas perdu. Il est en bon lieu. Une seule tentative de trahison, et le lendemain, tu liras dans le petit journal à l'article Paris. Hier, des terrassiers qui travaillaient à tel endroit ont découvert le cadavre d'un nouveau-né. Le commissaire de police, aussitôt prévenu, s'est transporté sur le terrain et a commencé une enquête. Tu lirais cela ? Et tu me connais assez pour être persuadé d'avance que l'enquête aboutirait. Tu devines bien qu'au châle de cette pauvre Clarisse, j'ai ajouté assez d'indices pour qu'on puisse aisément remonter jusqu'au coupable, jusqu'à toi. À la colère de Catnac avait succédé une affreuse prostration. Cet homme, que rien n'aurait dû surprendre ni étonner, était assommé et paraissait avoir perdu la faculté de réfléchir et de délibérer. Son désespoir s'échappait en paroles incohérentes et laissait voir sa souffrance comme s'il eût espéré toucher ses implacables associés. « Vous m'assassinez, » murmura-t-il. « Vous me tuez au moment où j'allais recueillir le prix de 20 années de travaux et de privations. »« Travaux et jolis, » observa le docteur. Mais l'heure pressait. D'un instant à l'autre, Paul et le marquis de Croisenois pouvaient arriver. Mais Mascaro comprit combien il était important de remonter le moral de son associé. « Voyons, tu cries comme si nous voulions t'égorger. À quoi bon ?»« Nous supposes-tu assez niais pour nous exposer sans des certitudes presque absolues de succès ?»« Ortebise, tout comme toi, s'est cabré quand je lui ai parlé de la grande opération. Je la lui ai expliquée et maintenant il approuve. »« C'est exact, » déclara Ortebise. « Donc, » reprit le placeur, « tu n'as pour ainsi dire rien à craindre. » Tu es, nous en sommes convaincus, trop beau joueur pour nous garder rancune. » Catnac eut un sourire forcé. « Je ne vous en veux pas, » répondit-il. « Parle, j'obéirai. » Mais Mascaro se recueille un moment. « Ce que j'attends de toi ne peut te compromettre en rien. J'ai te demandé de nous dresser un acte de société dans des conditions que je dirai tout à l'heure. Tu t'occuperas ensuite de l'affaire, mais non ostensiblement. Bien, ce n'est pas tout. Tu as été chargé par le duc de Chandos d'une mission très difficile, très délicate. Il s'agit de recherches qui doivent rester secrètes. Quoi ? Tu sais cela aussi ? Je n'ignore rien de ce qui peut nous être utile. J'ai appris, par exemple, qu'au lieu de t'adresser à moi, tu es allé sautement trouver le seul homme que nous ayons à craindre, Perpignan, un gaillard presque aussi fort que nous, et bien autrement âpre. Enfin, qu'exiges-tu de ce côté ? Peu de choses. Tu me tiendras au courant de tes recherches. Tu ne diras jamais au duc un seul mot dont nous ne soyons convenus à l'avance. C'est entendu. La querelle semblait terminée. Le digne monsieur Ortebise était ravi. Là, fit-il, était-ce la peine de crier comme un écorché ? Soit, fit Catnac, j'ai eu tort. Était-il sincère ? Le rapide regard qu'échangèrent Mascaro et le docteur était gros de soupçons. Mais depuis un moment déjà, on frappait à la porte. Le docteur alla ouvrir et Paul parut, saluant affectueusement ses deux protecteurs. « Avant tout, mon enfant, » commença le placeur, « je veux vous présenter un de mes vieux amis. » Et se retournant vers Catnac, il ajouta, « Mon cher maître, je te demande des bontés pour mon jeune ami Paul, un brave garçon qui n'a ni père ni mère et que nous pousserons dans le monde. » À ces mots, soulignés d'un étrange sourire, l'avocat bondit sur son fauteuil. « Sacrebleu ! » s'écria-t-il. « Que n'as-tu parlé plus tôt ?» Confident du duc de Chandos, Catnac venait d'entrevoir le plan de B. Mascaro.